Le journal sud-coréen Hanguk Ilbo a écrit que des croyants du bouddhisme orthodoxe ont tenu le 28 septembre l'assemblée générale extraordinaire dans le canton de Chosun de l'arrondissement de Songju de la province du Gyeongsang du Nord pour exiger le retrait de la décision sur la disposition de stade. Par ailleurs, selon le journal d'internet sud-coréen Tongil News, les formations religieuses de Taizon ont déclaré le 29 septembre s'engager dans l'action commune contre la disposition de SAD de nature agressive des États-Unis. Le même jour, 50 formations religieuses, y compris le Comité pour la justice et la paix de la paroisse catholique de Taizon, le Conseil chrétien de Taizon, la Société des femmes de la paroisse de Taizon du bouddhisme orthodoxe et le Mouvement pour l'éthique chrétienne de Taizon ont constitué une formation appelée Action de Taizon contre la disposition de SAD.